Mais revenons maintenant au passé. Comment dit-on « je n'ai pas pu le trouver » du verbe « poder ». C'est un point dans le passé. Pudo. Je n'ai pas pu, avec « je ». Là, vous m'avez donné la forme avec « il » ou « elle ». Oui. Qui est la forme aussi avec « usted ». Mais avec « je », ça sera « pude ». Pude. Alors, si vous voulez dire « je n'ai pas pu le voir ». No pude verlo. Encore une fois. No pude verlo. No pude verlo. No pude verlo. D'accord. No pude verlo, c'est un point dans le passé. Mais si c'est une ligne dans le passé, comment dira-t-on « je ne pouvais pas le voir » ?